Avant d'entamer cette seconde partie du bilan des films belges de l'année 2017, je voudrais réparer un oubli en vous parlant de « Enfants du hasard », documentaire de Thierry Michel et Pascal Colson. Après nombre de documentaires en Afrique, Thierry Michel revient dans sa région d'origine, la Wallonie, pour réaliser un film sur une classe de primaire, se nichant près d'un charbonnage, le Hasard, situé à Cheurat dans la région liégeoise, dont l'exploitation s'est arrêtée en 1977 et vouée à la disparition. Ce documentaire nous montre des personnalités surprenantes et en premier celle de l'institutrice Brigitte. On sent, c'est celle-ci, un amour de son métier et des enfants, qui d'ailleurs le lui rendent bien. Reprenons le cours du bilan 2017 des films belges. Le 2 août, c'est un film d'animation qui sort dans les salles, Bigfoot Junior de Ben Stassen. Le scénario est construit autour des thèmes classiques d'un film pour enfants, famille, amitié, souci à l'école, l'acceptation de la différence, sens de la responsabilité, grandir. Le 30 août, Even Lover, Get the Blues sort après avoir fait un petit tour dans les festivals. C'est une pépite, comme il en arrive rarement. L'histoire commence dans le froid nocturne des pavés de Bruxelles en hiver, migre avec l'arrivée du printemps vers un lac à la campagne, avant de se rapprocher de la chaleur estivale des jardins secrets de la ville. Du bar aux toilettes, aux alcôves d'une discothèque, d'un canapé-lit, dans une voiture, sur une plage déserte, les corps s'entrelacent. Les chemins des personnages se croisent et se décroisent, les couples se forment, expérimentant une sexualité en constante évolution, recherchant des moments les rendant vivants. Le réalisateur Laurent Michelli prend note du malaise de sa génération qui, dans une société instable, essaye à sa manière modeste de réinventer le sexe et l'amour. On passe directement à octobre avec le fidèle de Michael Heroskam. Michael Heroskam, c'est Bullitt, nommé à l'Oscar et au César du meilleur film étranger, c'est aussi Quand vient la nuit. Comme un métronome, 6 ans après son premier long métrage et 3 ans après son premier film américain, il revient avec un film réunissant le Belge Matthias Konert, son acteur fétiche, et la Française Adèle Exarchopoulos, un duo excitant, promettant beaucoup. Malheureusement, le fidèle ne répond pas à l'attente. La faute à un scénario bancal, efficace dans sa première partie, à la ramasse dans la deuxième, ainsi qu'à sa longueur. Au final, on se retrouve devant un film décevant, avec un goût de trop peu. Fin octobre, c'est Double Face qui débarque sur les écrans. On a affaire à un bon policier, lorgnant largement du côté américain, mais avec une subtilité européenne. Mi-novembre, c'est un film attendu qui sort, Zagros de Saïm Omar Khalifa. Zagros surfe sur la vague des films dits « engagés », dénonçant des pratiques d'un autre âge. C'est très bien, c'est plus que nécessaire. Toutefois, il y a un effet pervers. Cela stigmatise une communauté et fait entrer dans l'inconscient collectif des idées plus que limites sur les immigrants. Ce n'est pas délibéré, loin de là, les intentions sont sincères et louables, mais quand on aborde des sujets pareils, il faut faire gaffe, il faut mettre des nuances, et ce n'est pas le cas dans Zagros. Le 22 novembre, Amélie Van Helmde arrive avec Drôle de père, son deuxième film. Il est sur la paternité, sujet abordé régulièrement mais rarement par une femme. Présenté au dernier FIF à Namur, Drôle de père a doublement été primé par le prix de la critique et le prix Cinévox. Pour une fois que la critique et le public sont d'accord, un des atouts du film, ce sont les acteurs. Le père est joué par Thomas Blanchard, que l'on a pu voir dans un autre film belge, Préjudice de Antoine Kuipers en 2015, dans un rôle complètement différent. Ici, il est l'homme idoine, il apporte à la fois sa jeunesse et son métier. La petite fille, c'est Dina Doyon, fille de la réalisatrice, elle est Elsa. Son jeu est juste et d'un naturel confondant. Dans l'univers du cinéma belge, Amélie Van Helmde est en train de se faire une place. Et elle fait partie de cette vague de réalisatrices qui nous donne à voir autre chose. Dernier film dont je vais vous parler, Tueur, sort le jour de la Saint-Nicolas, le 6 décembre. La particularité de Tueur, c'est qu'il est réalisé par un ancien braqueur. Ayant fait de la prison, s'étant reconverti en scénariste et réalisateur. Il s'est adjoint les services d'un directeur de la photographie réputé, Jean-François Hensgens. Je vous ai parlé de ce film dans Ça et du Belge 3. Je vous invite à réécouter la chronique. C'est aussi un tournant dans le cinéma belge francophone qui va lui permettre d'être plus varié et couillu, d'avoir plus plus de films au goût du public. Voilà, 2017 a été une bonne année pour le cinéma belge. À la prochaine.